L'idole sonnait du trou du cul. Obscur et froncé, comme un œillet violet, il respire, humblement tapi, parmi la mousse humide encore d'amour qui suit la fuite douce des fesses blanches jusqu'au cœur de son ourlet. Des filaments, pareils à des larmes de lait, ont pleuré, sous le vent cruel qui les repousse, à travers de petits caillots de marne rousse pour s'aller perdre où la pente les appelait. Mon rêve s'aboucha souvent à sa ventouse. Mon âme, du coït matériel jalouse, en fit son larmier fauve et son nid de sanglots. C'est l'olive pâmée et la flûte câline. C'est le tube où descend la céleste praline, Canaan féminin dans les moiteurs enclos.